Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Dev & Retry, le podcast qui s'intéresse au développement de jeux vidéo d'un point de vue professionnel, ou presque, puisque je suis une nouvelle fois accompagné par Floris, étudiant en troisième année de bachelor en game design option programmation à l'UFM 3D et au travail sur le projet Astreos. Bonjour. Également de Guillain, titulaire du bachelor game artist d'Artefix et au travail sur le projet Arachi. Bonsoir. Quant à Marie, elle ne pouvait être avec nous ce soir, alors pour combler ce vide laissé dans notre cœur et dans nos oreilles, nous avons le plaisir de recevoir Guillaume Benoît, game designer freelance, enseignant en game design à Artefix et expert en théorie des joueurs, thème sur lequel il a donné plusieurs conférences, notamment pour la Game Developer Conference ou encore Pushstart. Merci d'être parmi nous, merci Guillaume. Merci beaucoup, merci de m'avoir accueilli ce soir pour parler avec vous. Je suis sûr que ça va être très bien. Alors, quitte à y être. Hein. Au programme de cette émission, du coup, nous allons nous intéresser à un sujet taillé sur mesure pour le joueur solo que je suis, puisqu'il va être question de l'équilibrage dans les jeux multijoueurs. Voilà ce qui arrive quand on laisse ses chroniqueurs décider du sujet de l'émission. C'était moi, je suis désolé. Voilà. Du coup, je vous propose qu'on commence par expliquer qu'est-ce que c'est que l'équilibrage dans le jeu vidéo. Quelqu'un veut-il se lancer là-dessus ? Alors, selon moi, l'équilibrage, c'est toutes les petites modifications que tu vas faire une fois que tu as ton produit quasiment fini. Donc, on arrive dans une phase de polish par rapport au développement du jeu. Et ça va être tous les petits tweaks que tu vas faire sur le projet pour faire en sorte que l'expérience de joueur soit la plus optimale possible. Alors moi je vais te contredire déjà. D'accord. Parce que à la fois je suis d'accord sur le côté l'équilibrage c'est tout ce qui va être polish. L'équilibrage à la fois alors beaucoup pensent que l'équilibrage ça va être juste tweaker des valeurs, donc sur un format game design, de dire on change un cooldown, on change une valeur d'HP, on ajoute des features, mais il y a beaucoup d'équilibrage qui va se faire aussi en termes d'animation. Et justement de collision, donc toute la partie game art reste, et surtout la partie artistique va rester quand même dans l'équilibrage, et ça faut pas l'oublier. Et après l'équilibrage se fait aussi tout au long de la prod, c'est-à-dire que le plus on est à même de tester en amont les mécaniques, que ce soit sur le proto digital, mais aussi, et ça c'est essentiel dans une prod, des proto papier et même des proto intellectuels, on peut voir justement les flows du jeu, donc FLAW et pas flow FLOW. Donc c'est très important, je pense que pour tout le monde, que l'équilibrage ça soit fait tout le temps, tout au long de la prod, pour ceux qui font du jeu vidéo, et même aussi pour tout ce qui est jeux digitaux, les escape rooms, donc l'équilibrage d'un jeu multi, que ça soit sur du jeu vidéo ou du jeu plutôt physique, c'est à peu près la même chose. D'accord. De toute façon, si lors des séances de playtest il est bon d'organiser avant de sortir son jeu, on vous le fait vite remarquer si votre jeu n'est pas suffisamment équilibré pour être fun ou être intéressant, tout simplement. Un jeu équilibré, du coup, c'est un jeu qui offre des stratégies, plusieurs stratégies viables à ses joueurs et pas une stratégie dominante. Quels exemples je pourrais vous donner? Un exemple qu'on peut resservir à toutes les sauces, c'est celui de Pierre Feuille Ciseau, où basiquement tous les joueurs ont la possibilité de jouer soit la pierre, soit la feuille, soit le ciseau, et que vous choisissiez l'un des trois, vous avez les mêmes chances de victoire que le joueur adverse. Alors qu'un jeu qui offrirait une stratégie dominante, c'est la revisite du jeu de Pierre Feuille Ciseau qui inclut le puits. Déjà, faut pas avoir. Faut pas se respecter pour jouer puits dans ce genre de jeu. Exactement. Puisque, pour rappel, dans ce jeu-là, s'il est besoin de nous rappeler, la pierre bat les ciseaux battent la feuille et la feuille bat la pierre. Si vous rajoutez le puits, le puits bat deux signes, le puits bat la pierre et les ciseaux. Quant à la feuille, elle bat également deux signes puisqu'elle bat et le puits et la feuille. À côté de ça, vous avez les ciseaux qui est le seul élément capable de battre la feuille, mais la pierre dans tout cela ne sert absolument plus à rien en fait, tout simplement. Donc là, vous avez une stratégie dominante, soit vous jouez la feuille, soit vous jouez le puits, mais vous ne jouez en tout cas plus jamais la pierre. C'est un très bon exemple parce que du coup on peut faire le parallèle avec tous les RTS qui sont basés sur Pierre Feuille Ciseau et les cas de StarCraft, mais même dans les nouvelles versions avec les stratégies dominantes du Rush Zerg, du déploiement de Protoss en amont sont des bons exemples. Après ils sont beaucoup plus complexes, mais on est exactement dans le même cas. c'est peut-être un peu moins visible, mais les jeux de combat aussi, ils ont tendance à tourner vers le pierre feuille ciseaux. D'habitude, c'est construit autour du... Les jeux de combat 2D, je parle. Ils sont construits autour du le bloc bat le coup de poing, le coup de poing bat le grab, et le grab bat le bloc. Et du coup, ça aussi, c'est un peu les bases de la plupart des jeux de combat qu'on retrouve. C'est clair qu'en termes d'équilibrage, on se retrouve pas mal avec une trinité pour facilement équilibrer en se basant justement sur ce système du pierre-feuille-ciseaux. Et du coup, bah, avec les... maintenant, ce qui est aussi très intéressant, c'est que ces stratégies dominantes, on les voit très rapidement, puisqu'elles sont illustrées via des vidéos YouTube, sur les Twitch, et puis elles sont aussi mises en ligne avec les fameux God Tier qu'on peut avoir apparaître sur League of Legends, ou même sur Street Fighter, hein, qui est un des très grands cas. Après, je ne suis pas un grand spécialiste du Smash Bros, donc je ne pourrais pas m'étaler là-dessus. mais sur du Street Fighter, effectivement, ouais, là, on a des personnages complètement inutiles. Et ce qui est un peu dommage, à la fois pour les joueurs qui veulent les utiliser, et puis même pour le développeur, parce que derrière, bah, ils ont dépensé de l'argent pour faire des modèles, et bah, du coup, personne n'utilise, et le pauvre game designer, il est un peu en train de pleurer, je pense. Et d'habitude, en plus, c'est certains archétypes qui passent quasiment à la casse tout de suite. Genre, la stratégie dominante va être, par exemple, dans un jeu... On va dire Street Fighter, je suis pas sûr si c'est toujours le cas, mais Street Fighter par exemple, la stratégie dominante, c'est les personnages qui sont plutôt mobiles et qui ont des gros potentiels de dégâts. Donc des personnages plutôt agiles vont être tout en haut de la liste des tier list, et les persos plus lents qui n'arrivent pas à mettre leur coup seront tout en bas parce que ils n'arrivent pas à toucher les ennemis. Tout à fait, et puis également ça me permet de parler d'un autre aspect de Pierre-Feuille-Ciseaux. Pierre-Feuille-Ciseaux est un jeu symétrique, c'est-à-dire que il offre les mêmes gameplay à tous les joueurs. C'est ça, merci. Et à l'opposé, vous avez les jeux asymétriques. Alors, comme autre jeu symétrique, vous avez le jeu des échecs, où tout le monde a les mêmes pièces sur la table, sur le plateau de jeu. Un jeu asymétrique, c'est par exemple Street Fighter, effectivement, un jeu de combat où tous les personnages sont assez différent et... Après, c'est quand même de la symétrie qui est assez légère. Enfin, là, quand tu m'as parlé d'asymétrie, j'ai direct pensé à un jeu qui est sorti il y a quelques années, qui est Evolve, ouais. Où en fait, c'est un jeu multijoueur dans lequel tu joues... Enfin, les joueurs jouent à 5, une équipe de 4 personnes contre un énorme monstre. Et du coup, tu vas pas avoir le même gameplay en fonction de si tu es un joueur ou si tu es le monstre. Et là, le gameplay est réellement différent, je pense. C'est la même chose. C'est la même chose, en fait. Alors, sur Evolve, c'est juste t'as le même gameplay. Après, c'est juste la vue qui va être différente. Un gameplay vraiment asymétrique, c'est des jeux comme Nuclear Strike, où un joueur joue en RTS et un autre joueur joue en first person. D'accord, et en fait, ouais. La différence, elle est vraiment en termes de gameplay. Et c'est là le vrai asymétrique. On a des jeux, on en a peu. Des vrais jeux asymétriques, c'est très difficile parce que ben, derrière, c'est pas très vendeur non plus. L'asymétrie, alors. Tu as en partie raison, puisque par contre, c'est que sur les jeux de combat, la symétrie, elle va se faire en termes de coups. C'est-à-dire qu'un Ryu et un Honda ou un Bison, ben, vont avoir deux gameplays différents, puisqu'ils ne vont pas être basés sur le quart de tour, etc. Après, ça reste que on a la même manette, on a la même vision du jeu. Et derrière, donc, on peut avoir les mêmes sensations. Et du coup, c'est le balancing et donc ce qu'on a, l'équilibrage va se faire bah, sur des points très très précis. Balancer un jeu asymétrique, ben, je pense que c'est pour ça qu'on n'en voit plus beaucoup. Parce que c'est mettre d'un côté du balancing du RTS avec en plus du FPS. On a le cas de Savage, par exemple, il y a ça bien 10 ans, qui a eu une version Savage 2, et les joueurs ne sont pas vraiment très intéressés par ça. Savage, je ne connais pas, tu peux décrire vite. Alors, fait Savage, c'est un univers Heroic Fantasy dans lequel un joueur contrôlait des créatures. Une créature un peu comme dans Evolve, et de l'autre côté il y avait un joueur, enfin au-dessus d'eux il y avait un joueur qui faisait des bah, comme dans un RTS, qui construisait des buildings, et en fait il y avait une progression sur la carte des buildings. Plus les joueurs tuaient d'autres joueurs, plus ils gagnaient du matos, plus ils gagnaient des ressources, et ça permettait de faire avancer. C'est un peu le même cas. D'accord, que Natural Selection. C'est ok, d'accord. Enfin, j'ai pensé à un jeu du coup en termes de symétrie. Je sais pas si tu connais Mighty Quest for the Epic Loot, un jeu Ubisoft. Donc ça serait un cas de gameplay asymétrique. Exactement, oui. Et il y en a un qui a même jamais été fini, je pense. C'était le dernier jeu Fable. Fable Legends. Oui, voilà. Fable Legends où il y avait un qui jouait le grand méchant qui faisait son donjon et les autres qui jouaient les héros qui essayaient de percer le donjon. Et alors là, en plus, je pense qu'on peut rajouter une autre dimension, c'est le côté synchrone ou asynchrone de l'expérience. C'est que sur Epic Quest for the Mighty Loot, ou l'inverse, on ne sait plus trop, malheureusement, qui a été shutdown par Ubi, c'est vraiment dommage parce que c'était un très bon hack and slash. Du coup, il y en avait un qui créait son donjon, et puis de manière asynchrone, les gens jouaient à ce donjon. Et alors là, c'est se rajouter. Une difficulté supplémentaire parce qu'il faut en plus considérer que y a un joueur qui va jouer dans un temps donné et un autre joueur dans un temps donné, donc les réglages vont être encore plus difficiles pour les faire appliquer. Un autre exemple de jeu asymétrique, c'est Star Wars Battlefront, où basiquement vous contrôlez soit les Stormtroopers, soit par moment vous avez la chance de contrôler un Jedi ou un Sith, et vous êtes bien plus meurtrier la plupart du temps, c'est en tout cas bien plus facile de gagner. Pour revenir sur les jeux asynchrones et synchrones, ça me permet également de parler des jeux qui sont dits justes. Ce sont des jeux qui offrent les mêmes chances, des chances de victoire égales en fait aux joueurs. Alors la Pierre Feuille Ciseaux, encore une fois, est un jeu juste du fait qu'il s'agit d'un jeu synchrone où les deux joueurs brandissent leurs signes au même moment. Un jeu un peu moins juste du fait de son asynchronicité. Ce serait le morpion ou les échecs, puisque au morpion, le joueur qui commence la partie a plus de chances de gagner que le joueur qui joue en deuxième, puisqu'il y a d'autant plus cette stratégie dominante qui est de placer son signe au centre du plateau de jeu. C'est dans pas mal de cas la même chose sur les jeux de plateau, et ça c'est une des règles qu'on apprend assez rapidement aux game designers, justement d'essayer de casser le premier joueur. Et même c'est le côté fer, on le voit dans des jeux où il y a des cartes, et le cas de League of Legends est intéressant, avec des pourcentages très très faibles des pourcentages de succès un peu infimes pour les joueurs bleus ou les joueurs rouges, et on voit que beaucoup plus de temps les joueurs bleu de par certains avantages de la carte, et du coup le balancing se fait aussi sur le positionnement des ennemis sur la carte, le fait d'avoir un bush qui soit positionné plus ou moins haut, et d'avoir un accès plus ou moins rapide ou une vision plus ou moins sur la carte donne des avantages même infimes. Et du coup, c'est là où je pense, et alors ça je vais m'avancer dessus, mais c'est là où je pense que la ligue coréenne est beaucoup plus intéressante à regarder, puisqu'on peut avoir ce travail sur les joueurs qui s'échangent au fur et à mesure les camps, alors que sur la ligue européenne, c'est du coup l'un contre l'autre, et on a ce petit côté infime de unfair qui moi me gêne dans le déroulement. Mais d'ailleurs, ça me fait rebondir sur un aspect que j'avais noté pour cette émission, c'est que en fait le côté avantage désavantage, est-ce que on le retrouve pas aussi dans la façon de faire des matchmaking? Donc en fonction de l'expérience qu'aura l'adversaire, il aura de fait un avantage sur soi, et ça peut être complètement unfair pour un débutant de commencer directement avec un expert du jeu. Donc est-ce que le côté matchmaking pour un jeu multijoueur n'est pas aussi quelque chose à balancer pour l'équilibrage, enfin pour bien équilibrer le jeu? Ça dépend de. En fait, je pense que ça dépend de l'objectif des développeurs. Tu vois, on prend des jeux comme PlayerUnknown Battleground. Ils s'embêtent pas à se dire ça. Par contre, des jeux qui ont plus d'affect, je pense, par exemple des jeux comme les jeux de Blizzard sur Overwatch, là on s'attend justement à ce côté un peu plus fair et avoir un meilleur matchmaking. Mais de l'autre côté, pour avoir pratiqué beaucoup Quake 3, le fait d'affronter des joueurs dominants et stratégiquement plus fort, bah, permet d'acquérir une connaissance beaucoup plus rapide, je pense, du jeu dans les mécaniques, dans les timings et dans les stratégies dominantes dont on parlait au début de l'émission. Certes, mais en fait, je partais du principe que si un joueur se fait laminer à chaque partie qu'il fait, car il tombe sur des joueurs beaucoup trop expérimentés pour lui, il aura tendance à pas forcément vouloir continuer à pousser le jeu et à s'entraîner, simplement parce qu'il ne peut rien faire vu que ses adversaires sont beaucoup trop forts pour lui. Je donne la parole à Floris, je crois que tu voulais dire quelque chose. Oui, ouais. C'était dans cette optique-là, il y avait Dragon Ball qui a un peu donné les deux options possibles. Où, dans Dragon Ball Fighters, qui est le dernier jeu de combat Dragon Ball, qui est sorti en février, tu as le choix quand tu veux faire des combats en classé, de soit chercher des joueurs avec moins de rang que toi, ou chercher des joueurs avec le même rang que toi, ou plus de rang que toi. Et je pense que quand tu atteins un certain niveau, tu n'as plus le droit de chercher les gens qui sont en dessous de toi. Mais, ça permet en fait de choisir qui tu vas affronter en fonction du nombre de rangs que tu vas gagner par rapport au combat, ouais. En gros, c'est ça. Et donc, oui, si tu tombes sur quelqu'un qui est plus bas que toi, tu risques de... Enfin, dans tous les cas, tu vas perdre plus de points. Et s'il est vraiment plus bas que toi, même si tu gagnes, lui, il va quand même gagner des points. Donc, y a un peu un équilibrage au niveau des points gagnés. Et en général, ça marche pas 100% parce qu'à certains niveaux, tu trouves juste plus personne, donc il va déborder un peu et puis aller chercher dans plus bas ou au même rang que toi si tu cherches que plus fort. Après, moi, je pense que c'est une question de période. Hein. Quand on voit tous les jeux qui sortent, on veut justement qu'il y ait ce côté un peu fair, le côté où les joueurs doivent avoir. On veut avoir le bien-être du joueur. Ça, c'est plus, je pense, pour des questions de financier, puisque le bien-être du joueur s'accompagne avec justement un engagement du joueur sur la long terme, le fait qu'il va dépenser plus, qu'il va se sentir bien. Et c'est pour ça qu'on a, je pense, qu'il y a des mécaniques de. Un peu comme ce qu'on a sur Mario Kart, le fameux rubber banding où les joueurs faibles ont des meilleurs, ont des bonus, etc. Je pense que c'est vraiment en fonction du jeu, en fonction du genre de jeu, en fonction de l'éditeur, en fonction voilà, où on va s'attendre à un peu plus de sympathie. Si je pense que les joueurs l'éditeur et le développeur de Dark Souls faisaient un jeu Battle Royale, le fait que les joueurs faibles se fassent laminer, ça les ferait doucement rigoler et que justement les joueurs qui le rejoignent s'attendraient aussi à ça. J'en connais un qui adorait un mode comme ça. Ah, d'ailleurs. Ouais. On pense au même. Alors, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Guillaume, sur le matchmaking, enfin sur ce que finalement tout le monde a discuté dessus. Il y a des jeux, alors je ne peux pas en citer là comme ça, je ne sais pas lesquels font ça, mais je sais que certains le font. C'est tout simplement le matchmaking se fait automatiquement en fonction de vos stats de joueurs. Par exemple, si vous gagnez une partie, vous allez être mis lors de votre prochaine partie avec des joueurs plus forts. Et si vous perdez cette partie, vous allez être mis pour la prochaine avec des joueurs moins forts. Et voilà, le matchmaking essaie de trouver un équilibre comme ça pour par rapport à vos compétences de joueur. Alors moi je trouve qu'il y a des jeux qui c'est intéressant, mais moi j'aimais bien je sais plus quel éditeur a fait ça, c'est les joueurs qui avaient un comportement nocif étaient ostracisés et étaient mis tous ensemble sur les serveurs, ouais. Et du coup c'est plus rigolo que dire les bons joueurs ensemble, les mauvais joueurs ensemble, c'est plutôt les joueurs qui sont sympas tous ensemble, parce que un jeu c'est communautaire, c'est social et le but c'est de s'amuser, donc les gens qui veulent jouer la gagne je rejoins un peu ce que tu disais sur Street Fighter. En fait, il faudrait peut-être que les développeurs se disent il y a des joueurs qui veulent jouer la gagne, il y a des joueurs qui veulent jouer fun, il y a des joueurs qui veulent jouer compétitif, et puis il y a des joueurs qui veulent juste insulter des gens. Donc, Oui, d'ailleurs, à ce niveau-là, il y avait quelque chose que Dragon Ball a fait, encore Dragon Ball Fighters, que pas beaucoup de gens sont contents dessus, mais j'ai trouvé ça très marrant comme mécanique. C'est que quand quelqu'un quitte en plein milieu du combat, il n'y a aucune pénalité pour les deux joueurs. Ce qui n'est normalement pas le cas. D'habitude, les deux joueurs perdent des points quand quelqu'un quitte. Et ce que fait à la place Dragon Ball, c'est que si le joueur qui quitte le fait trop de fois de suite, son nom va être affiché en violet. Et du coup, tout le monde sait que c'est quelqu'un qui quitte tout le temps ses parties. Et d'habitude, sur les communautés de Dragon Ball, ils disent juste si tu trouves quelqu'un qui a un nom violet, tu dis non. Et d'habitude, ils commencent à être un peu au stress. les joueurs ne veulent pas jouer avec les non-violets qui... Discrimination des mauvaises connexions. Ouais. Non, mais ça me fait penser un peu à ce qu'il y avait sur Ultima Online au début, les joueurs qui faisaient du PK sauvage sur des joueurs de niveau 1 au début de la zone, alors que ceux-là étaient en train de tuer le premier lapin du jeu qui pouvait les tuer, avaient justement leur nom qui changeait de couleur au fur et à mesure, et ils pouvaient ne même plus rentrer dans les villes, les gardes les attaquaient de base, donc ils étaient obligés de jouer entre eux, et du coup ouais, c'est aussi très intéressant à ce niveau là et il y avait également Kingdom Hearts Union Cross. Le running gag. On revient avec ça. Je crois qu'il n'y a qu'une seule émission où j'ai pas réussi à le caser. Je suis pas sûr. J'ai casé dans toutes les émissions. Bref, dans Kingdom Hearts Union Cross, vous rejoignez des factions, en fait, et vous jouez. Donc il n'y a pas encore de PVP, il y en aura prochainement, mais là, ce n'est pas encore le cas. Vous rejoignez une équipe et puis vous collaborez ensemble pour amasser le plus de luxe, de points. En fait, au fil de votre partie, et vous pouvez déclarer si vous êtes là pour jouer pour vous détendre ou bien de jouer de façon hardcore. Et moi, par exemple, j'ai pas énormément le temps de jouer. J'aime beaucoup Kingdom Hearts, mais du coup, je me suis mis avec les, je crois que c'est les casuals. Du coup, je me suis pas mis avec les hardcore parce que je ne peux pas me connecter aussi souvent que je l'aimerais, et je ne voudrais pas pénaliser. Enfin, je voudrais pas que des joueurs qui sont là pour vraiment le score me reprochent de ne pas être suffisamment présent dans le jeu. Et effectivement, il y a des jeux qui proposent de se catégoriser dans des comment dire, des genres de factions, hein, qui catégorisent du coup si vous êtes plus un joueur hardcore, casual ou quoi que ce soit, et qui vous mettent avec des gens qui sont là pour un petit peu les mêmes choses que vous. J'ai eu du mal. Hein. Ouais, simplement catégoriser les joueurs par rapport à leurs objectifs de jeu, en fait. Oui, voilà. Ouais, en fait, on en revient au même système qu'on a depuis longtemps sur les niveaux de difficulté, qui est du coup là, c'est tu veux jouer facile, tu veux jouer normal, difficile, et on va y revenir, je pense. Hein, et le fait, moi ce qui me gêne, c'est de voir dans Wolfenstein le côté facile où on te dit tu joues pour bébé. Bah écoute, moi j'ai un peu 50 jeux dans le mois, j'ai pas le temps à perdre sur ton jeu. Moi ce que je veux, c'est en profiter. Donc si ton réglage est trop difficile, ben moi ça va pas me plaire, et c'est dommage. Il y a beaucoup de jeux dont on peut passer à côté parce que justement le balancing pour les joueurs et pas forcément pour le joueur pour le joueur qui cible est intéressant. En parlant de ça, ça me fait penser à un jeu qui a créé une petite révolution selon moi, c'est le jeu Céleste, qui propose un mode assisté et qui permet de tweaker certaines valeurs pour permettre à chaque joueur de trouver la bonne, on va dire le bon feeling de jeu pour qu'il puisse le terminer sans souci de difficulté et qu'il s'amuse simplement avec le jeu qu'on lui propose sans qu'on se dise ah mais je suis qu'une merde parce que je le mets en mode facile. Non, là c'est juste un petit tweak et faire ses réglages soi-même pour adapter sa difficulté, ce que je trouve génial. Il y avait un jeu aussi qui n'était pas multi, mais qui avait un système d'équilibrage que je trouvais très très intéressant pour l'époque, parce qu'il ne l'avait dit à personne comment il le faisait. C'était Resident Evil 4, si je me souviens bien, qui avait un système d'équilibrage. Tu choisissais pas ta difficulté, et en fait, quand tu mourais trop, ça éliminait certains obstacles. Donc certains zombies qui étaient censés être là ne seraient plus là. Mais si tu passais beaucoup de temps sans mourir et en récoltant plein de ressources, les ressources devenaient plus rares. Plus de mobs seront créés pour que ça devienne plus compliqué pour les joueurs, et ça se faisait dynamiquement au fur et à mesure. Et ça il ne le disait pas, c'était dit nulle part, sauf dans le guide qu'ils avaient sorti quelques années plus tard. Et du coup, je trouvais ça très intéressant comme idée pour justement mettre de côté le facile, normal, difficile et rendre ça dynamique. Ce qui est l'opposé de ce que fait Dark Souls, je crois. Je crois que dans... J'ai pas encore fait les Dark Souls, mais je crois que quand tu meurs dans Dark Souls, non seulement tu reviens à la vie avec moitié moins de PV, mais en plus les ennemis sont peut-être encore plus forts, ou non, il n'y a pas quelque chose comme ça. Tu reviens avec moitié de PV, mais ouais. C'est juste la même map. D'accord. En boucle. Ouais. Après, c'est aussi qu'un jeu qui est basé sur l'apprentissage et sur le côté vraiment de la maîtrise, donc sur le skill pur du joueur. Après, ouais, c'est sûr que pour les gens qui veulent découvrir Dark Souls et surtout arriver jusqu'à la fin sans être des pros du pad ou s'investir, il y a globalement que le shit, quoi. Beaucoup vont dire c'est tricher, c'est mal. Moi, j'ai envie de dire non, tricher c'est bien si ça te permet d'aller arriver jusqu'à la fin du jeu pour justement profiter de ton expérience que tu as payé au prix fort. C'est un autre débat. Oui. Pour revenir aussi sur les jeux justes, parfois, déjà, petite précision, un jeu n'est jamais parfaitement symétrique ou n'est jamais parfaitement asymétrique. On dit qu'il tend vers d'un côté ou de l'autre, et de même, un jeu n'est jamais parfaitement juste ou équilibré. Voilà. Et par exemple, le jeu Unreal Tournament, en multijoueur, du coup, vous avez soit vous êtes dans l'équipe bleue, soit vous êtes dans l'équipe rouge. Et il s'est avéré que les joueurs qui étaient dans l'équipe rouge avaient des statistiques de victoire 5% inférieures à celles de l'équipe bleue. Et l'une des raisons à cela serait le HUD de l'équipe rouge, qui donc est rouge, comme la couleur du sang, le sang qui se rajoute également à l'écran et qui du coup, vous êtes... Ouais. Ouais, ça empêche de voir. Ouais. C'est ça. Je pense que c'est exactement ça. C'est pas faux. Hein. Comme on disait au début de l'émission, l'équilibrage c'est aussi travailler sur les couleurs. Moi je me souviens quand je jouais avec Quake 3, il y avait un truc très simple pour optimiser ses chances de gagner, c'est qu'on pouvait forcer l'affichage d'un modèle. Et en fait, tu prenais le modèle le plus gros du jeu et tu lui mettais la couleur la plus grosse. Le jaune poussin, et comme ça dans tous tes matchs tous tes adversaires avaient leur boîte de collision énorme et tu les voyais de très très loin, et du coup c'était de la même façon comme on n'avait pas d'énormément de moyens sur les PC pour voir de très loin, la plupart des pros réduisaient toutes leurs textures au minimum, pas d'ombre, pas de light. Et du coup, moi, ça me fait rire de voir maintenant tous les joueurs en multi les streamers qui jouent en 4K pour se dire, et puis après de faire des scores et de se plaindre qu'ils voient pas les ennemis. c'est rigolo, mais effectivement, le côté on ne voit pas. Il y avait la même chose sur League of Legends où il y avait des joueurs pros qui avaient dit il va falloir qu'on arrête de mettre des petits papillons parce que en fait ça détournait leur regard dans certaines conditions, et du coup quand tu faisais un surtout dans le cas des skill shots t'y arrivais pas parce que t'étais distrait par des papillons. D'ailleurs, ce que j'ai appris sur League of Legends, c'est que bien des joueurs jouent avec le mode daltonien d'activé justement pour mieux plus facilement se repérer simplement dans le jeu. Du coup, contre-exemple à ce qu'a fait Unreal Tournament, c'est Overwatch, qui du coup, là, les deux équipes jouent l'équipe bleue, mais l'équipe adverse et l'équipe rouge, à chaque fois, en fait. Et là, du coup, c'est beaucoup plus lisible. Effectivement, la couleur du sang ne se confond pas avec votre HUD, et c'est beaucoup plus pratique. Après, eux, ils ont d'autres problèmes de balancing, donc heureusement qu'il n'y a pas le HUD en plus à faire jouer dessus. Mais il y a PUBG aussi qui a le... Bon, c'est mini, et c'est pas un jeu que je prends très au sérieux, mais PUBG, ils ont... Dans les villes, il y a plein de papiers qui ont tendance à voler dans les rues, etc. Et quand tu fais gaffe et que tu sais qu'il y a d'autres gens dans la ville, t'as tendance à regarder dans des endroits où il n'y a personne parce que tu vois un papier voler... Et ça t'attire le regard. Je vous propose qu'on prenne une petite pause musicale avant de continuer la discussion. On va s'écouter tout de suite Ken Stem de Smooth McGrove. Et c'était donc le thème de Ken de Street Fighter 2, interprété par... C'est une bonne introduction. Oui, interprété à la bouche par Smos McGroove, qui est un YouTuber qui a pour habitude justement de réinterpréter des musiques de jeux vidéo avec sa bouche a cappella. Voilà. À la base, je ne vous cache pas que j'étais parti sur une musique de Street Fighter 2 parce que la musique a été composée par Yoko Shimomura, qui a composé la bande originale de quoi, Floris? Kingdom Hearts? Je sors comme ça. C'est lui qui l'a dit. Voilà, mais bon, je me suis dit, allez, une prochaine fois, Yoko. Donc, continuons à parler de l'équilibrage dans les jeux vidéo. On va peut-être s'intéresser à des jeux de combat. Avec une transition toute faite, du coup. Ouais. Oui. Exactement. On va partir sur Street Fighter, je pense. Allez. Alors, j'ai posé la question à l'expert qui est ici présent. C'est l'équilibrage des jeux de combat. Sur quel point on doit s'arrêter pour vraiment bien équilibrer un jeu? C'est à quel point on équilibre particulièrement? Sur un jeu de combat, c'est surtout l'utilisation. En fait, ton point d'équilibre, il est l'utilisation de tous les personnages. C'est dès que tu vois que tu as des personnages qui sont sous-utilisés ou des personnages qui sont surutilisés, ça veut dire que déjà que tu as un problème. Après, au niveau du réglage, et surtout dans les jeux de combat modernes, tu as énormément de paramètres. Ça va être de la zone de grab à la vitesse, et sachant que la plupart du temps, les vitesses sont en fonction des coups, ça va être la collision, ça va être. Les zones de hit qui sont pas dépendantes des collisions encore plus, ça va être les fameux cooldown pour les assists comme on a sur un DBZ où on voit que Vegeta est complètement cheaté. Bon, il a le droit, c'est Vegeta. Mais c'est effectivement là, plus on va ajouter de personnages, plus ça va être difficile d'être réglé, et après on peut regretter la politique des développeurs ou des éditeurs de sortir que 15 persos à la sortie du jeu. Faut se rappeler que Street Fighter n'avait que 8 persos au début, voire 6 certaines fois. Donc on peut pas s'attendre à un équilibrage parfait quand on a 15 personnages et qu'en plus il y a la compétition qui attend derrière, et donc potentiellement est-ce que le jeu doit être juste, est-ce qu'il doit être équilibré. Je pense qu'ils choisissent d'avoir un déséquilibre justement pour permettre les patchs et pour permettre aussi au fur et à mesure de la saison de réattirer des gens pour qu'ils se reconnectent, pour qu'ils réapprennent. L'équilibre, le déséquilibre est aussi une manière d'introduire de la nouveauté à chaque fois que les joueurs vont avoir un nouveau patch, de se dire « Ah bah tiens, maintenant je réutilise ça, ah je peux revenir à une stratégie que j'avais apprise avant. » Et ça, c'est très, très important. D'accord. Donc en fait, toi, ton conseil pour quelqu'un qui a démarré à développer un jeu de combat, ça serait de commencer par faire déjà pas beaucoup de persos et ensuite étaler... Oui. C'est sachant que le jeu de combat c'est quand même un dérivé des fighting games et surtout des beat'em all. Commencer déjà par 3 personnages avec 3 statistiques, ce qui est la base de Street of Rage. On en revient un peu à la Sainte Trinité. Toujours, c'est évident. Et après, t'améliores autour de ça. D'ailleurs, en parlant de diversité de personnages, on a vu un peu ce mouvement. Il y avait une certaine époque où c'était un peu le plus que tu mettais dans ton jeu, le mieux c'était. Et tu voyais ça, je pense que Street Fighter 4 Ultra, il y avait énormément de personnages à la fin. Et puis ils sont passés à Street Fighter 5, où c'est redevenu une quinzaine de personnages. Et les gens se disaient, mais où sont partis tous les autres? Ils étaient déséquilibrés, sûrement. Après, faut aussi, je pense que sur ce type de jeu, il faut penser que les joueurs aussi ne vont pas jouer à tous. Donc à un moment, on arrive à un seuil de perso qui devient presque inutile. Je pense qu'on peut aussi aborder le cas Dragon Ball Tenkaichi avec ses 150 persos divers et variés. Après, on aborde des jeux très connus. Et du coup chaque joueur a son favori, il y a un passif avec, donc forcément les joueurs vont gueuler quand ils vont le voir disparaître. mais je pense que réduire est une bonne chose, que ça soit sur les jeux de combat, mais dans les autres jeux, comme on a eu sur les RTS avec la diminution des races, etc. Donc, Surtout, j'en ai déjà mentionné, mais dans les jeux de combat, il y a des archétypes de personnages, en général, genre le perso lent qui grabe les gens, etc. Et d'habitude, quand tu as plusieurs personnages qui ont la même fonction de « je suis lent et je grabe les gens », s'il y en a un qui est mieux que les autres, tous les joueurs qui ont tendance à graviter donc vers les joueurs, les persos lents qui attrapent les autres, vont jouer que celui-là, parce que c'est le meilleur comparé aux autres. C'est clair qu'en plus, dans les jeux de combat, il y a rarement deux persos qui ont exactement le même archétype en même temps. Là, je pense à Tekken avec... j'ai oublié son nom, mais tapez pas... C'est Eddie ou Teddy. Eddie avec Gordo. Eddie, qui fait de la capoeira. Ouais, qui fait de la capoeira avec Christina. C'est rare, les Tekken, où on voit les deux ensemble sur le jeu. Peut-être le dernier, mais sinon, ceux d'avant, c'était soit l'un, soit l'autre. Donc après mélanger les archétypes quand t'as deux personnes qui font exactement la même chose, c'est juste un changement de skin. Je pense aussi c'est de permettre la mise en avant du Brésil pour le cas d'Eddy ou par exemple de la France dans le cas de Street Fighter, c'est aussi adopter un personnage avec tout un background et effectivement faire deux personnages avec le même background ou la même fonction, la même façon de se battre, c'est pas très très intéressant. On a eu dans les Soul Calibur, on a eu des différences très très infimes à certains moments et effectivement les gens préféraient un personnage et l'autre passait à la trappe je pense que c'est du coup l'équilibrage, on va en venir à ça, est plus facile si tu sais à peu près vers où tu veux aller avec un archétype et qu'est-ce que tu dois donner comme fonction à ton personnage et de contraintes, et en fait de la contrainte va naître justement une forme d'équilibre, une forme de censure pour y arriver et ça c'est essentiel pour un jeu. Et aussi, quand tu modifies un personnage qui est censé être un peu un type, il faut faire attention qu'il déborde pas dans le territoire d'un autre type. Par exemple, si tu rends un perso lent un peu trop rapide, qui est censé un peu légalisé. Un perso lent un peu trop rapide. Si tu boosts sa vitesse ou la vitesse d'un coup de poing, ça tue un peu le concept du personnage, le fait qu'il est devenu rapide, mais qu'à la base il était censé être lent. Ouais, en fait, c'est que tu casses l'archétype, quoi. Oui, voilà. Et le personnage, il a plus raison d'être. Vraiment. Puis après, je pense que tu casses aussi la crédibilité que tu. Toi, imaginons Chun Li qui fasse autant de dommages que Zangief avec un coup de poing. Bon, je pense que les artistes, ils vont se dire, mais attendez, c'est pas possible. Déjà, vu la taille de ses cuisses, bon, c'est vrai qu'elle fasse des gros dommages aux pieds, mais ça, c'est quand même la. Derrière, faut cet aspect crédibilité par rapport au visuel et que le joueur comprenne ce qu'il a en main avant même qu'il le joue. Et ça c'est important. Ouais, c'est clair que je pense qu'il doit y avoir d'ailleurs des équilibrages là-dessus sur le fait que un perso corresponde pas exactement visuellement à son gameplay et que du coup en fait les artistes doivent retravailler le personnage pour équilibrer le jeu en termes de compréhension et sur tout cet aspect-là, quoi. Il y a une autre difficulté dans les jeux de combat, enfin presque un paradoxe finalement, c'est que prenons le cas de Dragon Ball Tenkaichi. Là, clairement, c'est un jeu de combat qui n'a pas une vocation à être compétitif. C'est vraiment plus tourné au grand public. Et du coup, vous avez des personnages, basiquement, dans la liste des 150, vous ne jouez jamais, parce que voilà, ils sont dans le manga, même ils sont pourris, et voilà. Mais... Alors de l'autre côté, c'est aussi c'est les personnages trolls, hein. Oui, bien sûr. Enfin, Moi, je joue Chao, moi, moi, je joue Dan. Je sais même pas qui c'est. Danibiki. Danibiki. C'est le Ryu du supermarché. Ah oui. Celui qui a comme portée de son Hadoken deux cases et... Ouais. Qui te dédicace des photos de lui pour te les lancer à la figure. C'est Monsieur Satan de Street Fighter. Voilà. Ouais. Mais du coup, dans Dragon Ball FighterZ, là, c'est un jeu qui voulait séduire un public de hardcore gamer et aussi un grand public. Mais Voilà, le truc c'est que dans Dragon Ball FighterZ, je n'y ai pas encore joué, mais je pense que Krillin est beaucoup plus utile dans ce jeu-là, qu'il y a un certain équilibrage qui est fait par rapport aux autres personnages, et là vous avez des affrontements entre Krillin et Goku Super Saiyan Blue qui se valent, alors que... Après je pense qu'on est aussi beaucoup influencé par le manga, par le fait que effectivement Krillin il a pas beaucoup évolué depuis le début, il n'a pas de transformation en Super Saiyan, et puis Goku c'est le héros, donc on voudrait le voir... comme un personnage ultra fort, ultra puissant qui tue tout le monde. Ben oui, mais sinon il n'y aura pas de jeu. Il n'y aurait pas de jeu. C'est le problème des adaptations. Alors que quand on a des Soul Calibur où là les personnages n'ont pas de passif par rapport à un manga, ben on est plus libre sur l'équilibrage. Et derrière, ben on va moins avoir les joueurs qui vont essayer aussi de casser le jeu et de trouver des stratégies dominantes derrière. Oui, surtout Dragon Ball, en termes de crédibilité de personnage, le personnage de loin le plus fort pour l'instant, c'est Android 16. Ça suit pas trop le manga en termes de puissance, mais c'est juste que... Par contre, si ce genre de jeu suivait la puissance des personnages dans le manga, il y aurait certains persos qui seront complètement pétés. C'était le but des Tenkaichi, t'avais même des barres de vie attribuées dépendant de la puissance de ton personnage, et si t'avais Son Goku Super Saiyan 4, il avait 8 barres de vie, et Krillin en avait 2. Donc finalement, c'est juste complètement déséquilibré. On en revient l'équilibre et en fonction de la portée du jeu. C'est plus ton jeu se veut compétitif, multi et surtout dans l'aspect compétition, plus il doit être balancé au poil du cul pour que ça soit à la fois, et c'est ça, je pense que le balancing est très important, il est à la fois pour les joueurs, mais encore plus pour le public. Et on en revient avec ce balancing, et on peut faire un parallèle avec l'absence de balancing dans les sports. Et du coup, c'est pas intéressant de voir un match du PSG parce que c'est comme si on parce avait que PSG. Ça dépend si tu veux regarder du cirque peut-être, mais derrière le fair play financier, on est exactement dans ça. Et c'est là où je pense que le jeu vidéo va avoir un impact fort à terme sur justement le balancing des sports en tant que tel, de dire effectivement on peut pas avoir des équipes à 250 milliards et puis des équipes qui sont dans la même division mais avec 100 fois 1000 moins qu'eux, quoi. Et du coup c'est pas intéressant à regarder, et c'est là où justement le jeu vidéo va un peu prendre le pas, et du coup l'équilibrage va être un point crucial et de compréhension. Oui, il y a d'ailleurs un jeu de combat assez étrange qui s'appelle Fantasy Strike, qui a été qui est actuellement en early access sur Steam. J'ai vu l'heure. qu'est-ce que je veux dire? Ce jeu donc développé par Serlin Game de David Serlin, qui a rééquilibré Street Fighter 2 et le jeu d'échecs tout de même. C'est un jeu de combat qui a pour vocation d'être accessible et pertinent pour tout type de joueurs. C'est-à-dire que c'est un jeu qui mettrait d'accord les joueurs de jeux de combat novices et les joueurs de jeux de combat professionnels. C'est pas un peu ce qu'ils voulaient faire sur Marvel vs Capcom 3 où au final on peut maintenant déclencher des super coups en appuyant sur un bouton Dragon Ball essaie de le faire aussi. Les jeux de la compagnie Dragon Ball, ils font le système d'autocombo. Fait que si t'appuies sur carré, il va tout seul faire un combo, et si t'appuies sur triangle, il va faire un combo avec un gros Kamehameha à la fin, très joli à regarder, qui met la contrepartie, c'est qu'ils font moins de dégâts que les vrais combos. Je pense qu'on va en revenir à ce qu'on disait au début, hein, c'est les joueurs vont choisir vers quoi ils veulent se mettre dans le jeu, c'est-à-dire est-ce que je veux faire du casual, du combat. Ça peut être intéressant pour une soirée entre potes, je pense, hein, mais derrière, pour une soirée de compétition, on l'a eu, je crois que c'était sur Dragon Ball, mais celui d'avant, il y a eu justement une compétition internationale, un problème justement sur l'utilisation de ces super coups déclenchés automatiquement qui avaient justement fait éclater la compétition en tant que telle. Parce que la difficulté avec la problématique avec les jeux de combat également, c'est que à moins que vous soyez, vous et votre ami qui joue avec vous, soyez tous les deux des noobs, ou bien vous soyez tous les jeux des joueurs assez hardcore, là vous aurez un combat intéressant. Mais si vous n'avez pas le même niveau que votre ami, là le combat est biaisé d'avance parce que vous allez perdre, puisque votre ami est plus fort que vous, et lui ne va pas s'amuser non plus parce qu'il va vous écraser assez facilement. Et c'est toute la difficulté. Si c'est à ça que sert les petites barres de handicap au début des fights sur les jeux de combat. Exactement. Et oui, mais oui, bah, par exemple, effectivement. Voilà. Mais je pense que on en revient. C'est intéressant de voir que y a ça pas. C'est pas assez noté, donc en fait le travail de lui designer n'a pas été très bien fait, et même de la part du game designer et de l'artiste, de se dire bah, comment on aurait pu le mettre plus en avant derrière, et c'est le handicap. C'est pour ça que je pense aussi, ah, pardon, je te donne la parole juste après, qu'il y a des personnages comme Eddie dans Tekken ou Kidik dans Soul Calibur, qui sont des personnages que vous avez beau ne jamais avoir... Enfin, vous ne savez jamais les combos que vous lancez avec ces personnages-là, et pourtant vous faites des trucs assez stylés assez facilement, et ce sont un véritable enfer en tant qu'opposant pour la personne qui joue avec vous, parce que le coup peut vraiment sortir de tous les côtés. Il sait que vous ne savez pas comment vous le jouez, mais ce sont des personnages très faciles à jouer dans un certain sens, et ça c'est un petit peu l'enfer dans les combos. Le fameux personnage de noob. Ouais, c'est ça. Oui, oui, Floris. Oui, bah, je ne sais pas si on... Je ne sais pas si on va en parler beaucoup, puisqu'on n'a plus trop le temps, mais j'allais faire le lien justement pour les gens qui, de tous les niveaux qui aiment bien jouer au même jeu. Il y a League of Legends, c'est un peu un exemple standard pour ça, puisqu'il y a tellement de gens qui jouent à League of Legends. J'ai vu un vidéo GDC Vault, où on en a parlé avant, sur cette émission, qui s'appelle From Bronze to Bengi, la vidéo, et c'est quelqu'un de League of Legends qui a aussi travaillé sur World of Warcraft et Age of Empires 2, qui explique un peu comment ils ont fait l'équilibrage dans leur jeu. Et c'est intéressant parce que du coup ils essayent bien sûr d'équilibrer pour les professionnels ainsi que pour les joueurs plus bas niveau. Donc des fois dans les patchs tu vas voir qu'un certain personnage qui était nul de base a été réduit ses dégâts de X valeur, et tout le monde va se dire mais pourquoi il était déjà nul, parce qu'en fait à bas niveau ben, il était en train de dominer, mais personne ne le remarque. Ça c'est assez ça faut le voir dans League of Legends, c'est assez impressionnant parce que effectivement plus tu vas monter dans les rangs, plus l'utilisation des personnages va être important, mais je pense qu'elle s'accompagne aussi de la compréhension du jeu, de la méta, des potentiels des uns et des autres, des personnages très forts en apparence en justement au début parce qu'ils sont simples d'utilisation dans leur mécanique. Ash par exemple va pas du tout être utilisée en silver, en gold, mais elle va revenir en bronze parce que elle va revenir pardon en diamant parce que il y a des combos qui sont faits autour d'eux, et en termes d'équilibrage on en parlait au début avec les playtests, le cas de League of Legends est très intéressant parce que d'un côté on va avoir les pros qui vont générer des stratégies dominantes, l'utilisation et la surutilisation de certains personnages ou de certains items qui vont du coup être équilibrés pour ceux qui sont derrière, donc les gold, les silver, les bronzes, et ensuite pour introduire justement de la nouveauté et pour le permettre aux joueurs pro d'avoir un peu de grain à moudre, on casse ce balancing des items, de leur connaissance avec des patchs qu'on va considérer comme unfair. Alors ils vont être considérés comme unfair par je pense qu'il y a 1% de leur communauté qui le considère comme unfair, c'est comme sur les reviews Steam, c'est la majorité, la minorité qui s'ébruite, et derrière en fait ça fonctionne, ça bénéficie à tout le monde de justement d'avoir des metrics d'utilisation, d'avoir des pros qui testent, et la plupart du temps dans les grandes boîtes les jeux sont testés en amont par les très très grands joueurs. Street Fighter le dernier a été playtesté avec Daigo, avec tous les très grands, pour dire qu'est-ce que vous en pensez, quel est l'équilibrage pour arriver à la sortie du jeu à avoir un jeu qui est à peu près balance par les pros, pour les pros, mais du coup qui bénéficie aux newbies quoi. D'ailleurs, en ce qui concerne les jeux du type League of Legends ou bien World of Warcraft, ce qu'ils font, c'est que pour équilibrer leur jeu, je pense qu'on peut appeler ça un équilibre tournant. C'est-à-dire qu'il y a une classe de personnages qui va être au-dessus de toutes les autres pendant un temps. Et puis, donc tout le monde va se mettre à jouer cette classe-là. Et puis du coup, ils vont changer la classe dominante, ce qui fait que les joueurs vont migrer sur la nouvelle classe, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, moi je ferai une spéciale dédicace à Game Workshop. Ça fait 30 ans qu'ils font ça. en faisant des armées, ils sortent des nouvelles armées tous les deux mois, qui est forcément la meilleure que celle d'avant, avec un système qui n'est pas du tout équilibré, depuis 30 ans non plus. Ça bénéficie à tout le monde, quoi. Les joueurs sont contents parce qu'ils sont dans dominant au début. Puis ça pousse la consommation de l'entreprise. Et sur World of Warcraft, ça bénéficie puisque il y a des pics de retour des joueurs à chaque fois qu'il y a un gros patch, à chaque fois qu'il y a une nouvelle classe. Si la classe préférée revient et redevient populaire, tous les chasseurs vont revenir. Ouais, rip nécro. Oui, on peut peut-être conclure là-dessus en disant que finalement un jeu trop équilibré, ce n'est pas non plus très fun. Prenons l'exemple de pierre papier ciseaux. Dire les deux, je pense. Ouais, oui. Pierre ciseaux papier. Ouais. Échelle et serpent aussi, qui est un jeu qui se joue uniquement à la chance. Voilà. Et la bataille également, sont des jeux, je pense, parmi les plus équilibrés qui existent, et ils ne sont pas si amusant que ça, disons que vous faites une partie ou deux, mais pas plus. Et puis, les jeux qui sont trop déséquilibrés également, là, le problème, c'est que du coup, ils en deviennent frustrants. Alors, les parfaits exemples, ce sont les pay to win, où, c'est dans le titre, si vous ne payez pas, si vous retrouvez désavantagé face à des joueurs qui ont un équipement nettement supérieur au vôtre. Ou si on joue pas dans le cadre du jeu, et là on se fait engueuler, tu n'utilises pas telle classe avec tel truc, et on en revient à LOL. Non, pas à Dota. Tous les jeux en ligne, même dans WoW, si tu joues pas à telle classe, moi je jouais chasseur, c'était la classe maudite. Parce que tous les joueurs bas niveau ont tendance à graviter vers chasseur parce que c'est plus simple à jouer. Donc dès que tu dis que t'es chasseur, on arrête de te parler. Et on passe à autre chose. Bon, je suis d'accord quand même. Pour dire que les chasseurs, non. Voilà, donc le travail d'un game designer, c'est finalement aussi de trouver le bon équilibre du jeu en dosant le plaisir et le déplaisir que procure son jeu pour offrir une expérience équilibrée comme il faut. Est-ce que vous avez des recommandations concernant ce sujet? Ouais, des bouquins peut-être. Ouais, des livres. Alors moi je conseillerais The Art of Failure, qui est un très très bon bouquin justement sur justement l'expérience de la défaite dans un jeu et comment on va pouvoir l'encaisser et le rapport à ce qu'on appelle le fairness, donc le côté est-ce que le jeu est fair avec moi et du coup que ma défaite elle n'est faite que pour moi. Je sais pas, en termes de jeu, des jeux vraiment punitifs qui sont unfair, il y a c'est I Wanna Be The Guy. Là c'est une très bonne référence si vous voulez rager sur un jeu dans le côté, ou Megaman de base, c'est le premier Megaman. Sur NES qui reste une horreur absolue, et je défendrai ici Dark Souls dans son côté il est difficile, oui, mais il est fair avec le joueur puisque il lui dit de base qu'il va souffrir. Tu vas souffrir. Guillaume ou Floris? La vidéo que j'ai mentionnée de GDC, je l'ai trouvée assez, assez intéressante. Et il y en a une autre aussi, je ne me rappelle plus du nom par contre, mais c'était... On va le mettre en lien après. Ouais. Oui, c'était quelqu'un de PlayStation Battlestar, le Smash 4 des jeux PlayStation, qui parlait des algorithmes qu'ils essaient de faire pour prédire un peu les montées et les descentes de fréquence de jeu, dépendant de certains patchs, et qui montrait comment les chartes de comment dire, de flow. À quelle fréquence un personnage va gagner contre tous les autres personnages de la du jeu. Et donc c'est le cas pour tous les persos. Ce genre de chartes, ils s'en servent pour essayer de faire des données un peu plus concrètes que tu aurais par rapport au tier list. Et donc c'est assez intéressant à regarder aussi. Et du coup, ouais, moi je viens de penser à une vidéo que justement Guillaume ici présent m'a partagée. C'est à propos d'une vidéo sur l'équilibrage par rapport à Céleste, justement, qui m'avait conseillé. Parce qu'il faut savoir que Guillaume, c'est mon ancien prof artifique, c'est que du coup, il fait le service après-vente un petit peu. Faut le dire trop fort. D'accord. Et du coup, on vous passera la vidéo en lien sur le podcast. Et donc, on vous conseille aussi Céleste. Ouais, Céleste aussi. Quant à moi, je vais vous recommander la vidéo sur l'équilibrage de Merci Dorian. Et également quelque chose dont on n'a pas parlé mais qui est assez lié au sujet, c'est le metagame. Il se trouve que Doc Gero sur YouTube a également fait une vidéo sur le sujet. Alors le metagame, juste comme ça, c'est en gros c'est la culture du jeu, c'est les comportements que vont développer les joueurs à l'intérieur du système de jeu. Voilà. Et également une vidéo d'Extra Credits que je vous mettrai en lien, dont j'ai oublié le titre puisqu'il est en anglais forcément. D'ailleurs cette vidéo là n'est pas sous-titrée ni en anglais ni en français il me semble. Puis d'autres, si on pense à d'autres recommandations, on vous les mettra, donc pensez à vérifier la description du podcast. Et bien j'ai oublié de lancer la musique pendant les recommandations, c'est pas grave, on le fait maintenant. Vous pouvez donc nous suivre sur Facebook et Twitter pour ne rien louper ou nous contacter. Merci à Jean-Paul qui est à la technique, et puis merci encore à Guillaume d'avoir accepté l'invitation. Ben merci encore de m'avoir invité pour parler de ce sujet très intéressant. Et mauvais présentateur, ils peuvent nous suivre, mais le nom de la page, Dev & Retry sur Facebook. Merci Guillaume. Voilà, bah écoutez, sur ces bons mots, je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée. C'est bon jeu. Bonne soirée, bon jeu. I'm not going to do that.